Chapitre 188. Le mérite des prières de l'aube, Sobah, et de l'après-midi, Asr. 1047. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui accomplit la salat du Sobah et celle du Asr, littéralement les deux fraîcheurs, entrera au paradis. Al-Bukhari et Muslim. 1048. Abu Zuhair Omara ibn Ruwayba, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: celui qui accomplit la prière située avant le lever du soleil, Sobah, et celle avant son coucher, Asr, n'entrera pas en enfer. Muslim. 1049. Selon Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: quiconque accomplit la salat de l'aube, Sobah, à son heure prescrite, se trouvera sous la protection d'Allah. Faites en sorte, ô homme, qu'Allah ne vous demande pas de compte sur sa protection. Muslim. 1050. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: des anges se relaient auprès de vous, certains demeurant avec vous la nuit et d'autres le jour. Ils se réunissent lors de la prière de l'aube, Sobah, et celle de l'après-midi, Asr. Lorsque ceux qui ont passé la nuit avec vous remontent au ciel, Allah, bien qu'il soit mieux informé que quiconque, les interroge: comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils répondent: nous les avons laissés en prière et c'est ainsi que nous les avions trouvés. Al-Bukhari et Muslim. 1051. Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiyallahu anhu, relate: nous étions une fois en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, qui regarda la pleine lune en nous disant: vous verrez assurément votre Seigneur le jour de la résurrection, comme vous voyez cette lune, sans aucune difficulté et sans vous gêner les uns les autres. S'il vous est donc possible de ne pas manquer la prière située avant le lever du soleil, Sobah, et celle avant son coucher, Asr, alors faites-le. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, qui regarda la lune la 14e nuit du mois lunaire. 1052. D'après Buraïda, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui délaisse la prière du Asr, ses actions sont vaines. Al-Bukhari